Toxine, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Pop, rock, électro, world, reggae, voici tout ce qui vous attend pendant les deux prochaines heures. Sébastien au pilote, comme au pilotage, hein, comme d'habitude. C'est Label Rock sur le 89.4, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches soirs. J'en profite pour vous rappeler tout de suite l'adresse site du site internet, hein, de la radio. C'est www.virginradio1.fr. Si vous voulez m'envoyer un petit email, hein, si vous avez fait des trucs sympa ce week-end, n'hésitez pas. virginradio1@orange.fr, virginradio1@orange.fr. J'attends nombreux vos commentaires en ce dimanche 6 juin. Je vous le disais, beaucoup de nouveautés ce soir au programme, encore avec beaucoup de musique anglo-saxonne, mais aussi des nouvelles, et ça c'est la principale information de la semaine. C'est le retour du groupe canadien révélation de ces dernières années. Je veux bien sûr parler des Arcade Fire, nouveau double single, ça s'appelle The Suburbs, The Month of May. C'est sorti la semaine dernière et c'est en prélude du nouvel album qui s'appelle The Suburbs aussi. Troisième album donc qui devrait sortir début août. La bonne nouvelle aussi pour tous les fans de Arcade Fire, c'est qu'ils seront présents sur plusieurs festivals européens cet été, notamment un concert le 5 juillet au Casino de Paris avant la venue à Rock en Seine le 29 août. Et je vous rappelle que Rock en Seine, c'est évidemment un festival Virgin Radio. Survive. Grab your mother's key. Ça s'appelle The Suburbs, nouvelle sortie qui devrait donc ravir tous les fans du groupe canadien Arcade Fire, nouveau double single disponible depuis le 27 mai. Ça s'appelle The Suburbs, avec une très bonne face B aussi sur ce single. Ça s'appelle Month of May. Je vous rappelle que le nouvel album, troisième album du groupe québécois, devrait sortir début août. Et je vous rappelle aussi que si vous êtes du côté du Casino de Paris le 5 juillet, vous pourrez aller les applaudir. Mais surtout le festival Virgin Radio qui s'appelle Rock en scène. Vous avez encore un petit peu de temps, mais traînez pas trop pour prendre vos billets, car leurs prestations sont assez rares et toujours très électriques. Voilà, Arcade Fire donc de Suburbs, tiré de l'album de Suburbs. On va rester dans les nouveautés. On va parler d'un groupe français ce coup-ci sur un label anglais. Le groupe s'appelle Yeti Lane. Le label lui s'appelle Sonic Cathedral. C'est un maxi 4 titres intitulé Twice Hippie. Et on va s'écouter un extrait qui s'appelle Speed Me Up. Voilà, début de première heure de cette émission Label Rock ce soir qui va être assez calme. Et puis on rappuiera sur le champignon en deuxième heure. Voilà, on y va, Yeti Lane. TV's on. 18h16 sur le 89.4, comme tous les dimanches, vous écoutez Label Rock, Sébastien Agace aux manettes avec deux nouveautés françaises. La première, Yeti Lane, Speed Me Up, tiré d'un maxi 4 titres qui s'intitule Twice Hippie. C'est une sortie sur un label anglais qui s'appelle Sonic Cathedral. Et puis à l'instant, un maxi sur un label qu'on aime bien qui s'appelle Satellite of Love. Toujours une nouveauté française, hein, puisque c'est un groupe bordelais composé de Pepo, Pascal et Renoir. Il s'appelle Alba Lua, A-L-B-A, plus loin L-U-A. Maxi 3 titres, hein, donc enregistré à Barcelone. Le titre principal qu'on vient de s'écouter qui s'appelle The Ballad of Joseph Merrick. Alors peut-être un hommage à David Lynch, hein, Elephant Man, puisque c'était le nom du personnage principal, Joseph Merrick. Voilà. Ballad of Joseph Merrick, c'est juste un single, hein, maxi 3 titres, hein, puisque pour l'album, il faudra attendre début 2011 pour le premier album de Alba Lua. Label Rock donc jusqu'à 20h sur le 89.4 Virgin Radio One Pop Rock, hein, comme d'habitude, avec des nouveautés françaises ce soir, des nouveautés étrangères. On reste du côté de la France, tiens, justement. Prochain disque dans cette programmation dominicale, c'est sur un label français qui s'appelle Square Dogs. Projet français sous le nom de Carp, C-A-R-P, comme le poisson, hein, mais sans le E à la fin. C'est un album qui s'appelle Day Walks. Il est sorti le 25 mai dernier. D'après le communiqué de presse, un album qui a été, selon le label, produit à l'arrache, enregistré à l'arrache. Et pourtant, et peut-être du coup, hein, il est vachement bien, très simple, hein, cet album. Deuxième album pour ces 5 parisiens de Carp, et franchement, je vous le recommande. C'est un excellent disque de pop, tout en simplicité, tout en légèreté et tout en douceur. La preuve, en musique maintenant, ça s'appelle Bees. If I'd ever try to name what's getting out of me, I would never feel the same, even pretty free. They did question me about the calls I used to give to my old friend Satan, and the fear of God and his hairy son tried to kill the inspiration on the run. You keep it in, don't let it out, hold the anger in. Pack your will and every doubt, the boy you've always been. They're gonna grab your hand and strap it on the basis of this wonderful pyramid. They're gonna give you all the money you need, swear you'll never be of one's feet. I made a way under the cloud, kept a hidden place in me. Never really talk out loud, try to keep some energy. And several times I nearly lost what is now my only reason of living. Made away under the cloud, no sun came in to pick up my routine. Self out of the mess, head out of the peace, head out of the peace. Tous les dimanches, 18h-20h, Label Rock, avec Sébastien Gasse. I caught the sun on my way home d'émission pop comme ça, j'en redemande, et de très belles nouveautés françaises donc, avec le groupe Carp, 5 parisiens, ça s'appelait Bees, l'album lui s'appelle Daywalks, il est disponible depuis le 25 mai dernier. Puis à l'instant, nouveauté anglaise chez Beggars Banquet, hein, sur le label 4AD, l'album s'appelle Beach Combers Windowsill, le groupe lui s'appelle Stornoway, et à mon avis ça pourrait bien être une des belles sensations folk de ce printemps, folk pop, hein, quand même, ça bouge pas mal quand même cet album. En tout cas, ces Anglais, ils sont 4, ils viennent d'Oxford. Alors, à leur début, ils ont souvent été comparés à Belle et Sébastien, James, ou alors les Américains de Fleet Foxes pour les belles harmonies vocales. En tout cas, difficile de rentrer dans les comparaisons, hein. En tout cas, ils proposent avec cet album une pop fraîche qui mélange les ballades pop, les morceaux acoustiques et folk. C'est vraiment un très bel album que vous allez pouvoir savourer tout vous cet été. Je vous rappelle que vous écoutez La Belle Rock comme tous les dimanches, évidemment. On est ensemble sur le 89.4 jusqu'à 20h et on a l'habitude de faire des petits classiques chaque semaine. Le classique de la semaine, aujourd'hui, c'est un remix de R en 1998 signé par Étienne de Crécy et ses Flower Pistol. Vous allez reconnaître, c'est peut-être le titre qui a fait populariser, on va dire, le groupe R, hein, puisqu'il y avait eu un très bon maxi qui était sorti, mais c'est surtout grâce à ce titre qu'ils se sont fait connaître un petit peu partout dans le monde. Pourquoi R tout de suite dans la Belle Rock? On en reparle juste après ce classique. On y va. le classique de la semaine dans la Belle Rock en 1998. C'était bien évidemment le duo français R avec Sexy Boy, remixé pour l'occasion par leur compatriote hein, qui lui aussi avait cartonné à l'époque de la French Touch hein, en 98, à l'époque où l'équipe de foot était bonne, hein, ma foi. Oui, allez, petite, voilà, ça casse un petit peu, mais petite analyse rapide sportive. Voilà, hein. Donc R qui a depuis mardi dernier investi la Cité de la Musique pour présenter une création originale. Ça s'appelle R joue Virgin Suicides. Souvenez-vous, le film de Sofia Coppola. Autre bonne nouvelle, hein, le duo électro-français qui termine d'ailleurs cette série de concerts avec une prestation, c'est ce soir du côté de la salle Playel à Paris, de prochain concert, et il y a une très bonne surprise puisqu'ils seront le 10 juin au Bikini à Toulouse, au Pasino d'Aix en Provence le 12 juin et surtout au Transborder à Villeurbanne le 13 juin. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais c'est une très bonne idée d'aller voir le duo français en concert. Pour les avoir vus du côté de Londres il y a quelques années, franchement en live ils assurent. Voilà, R donc, je rappelle la date, au Transborder à Villeurbanne le 13 juin. Avec en première partie de ce concert au Transborder, vous pourrez découvrir un excellent groupe américain qui s'appelle AM. When the morning comes, I feel my mind still wanders. What we have may not be right for me, but perfection keeps you looking around forever for a heaven only you will ever see. Take my time and take my chances, 'cause I don't know what all of this will ever mean. And hear my words, but don't you listen, 'cause I don't know about the other side. So much fun as we drove around last Sunday. Yeah, and things were right, and I knew just what to do. Now, I've never had a hard time assisting anybody, but my biggest fear is what I can't give to you. Ça s'appelle The Other Side. Le groupe natif de la Nouvelle-Orléans s'appelle AM. Et je vous rappelle qu'ils seront en première partie du concert de Air au Transborder. Ça sera donc à Villeurbanne le 13 juin prochain. AM, un groupe natif, donc je vous le disais, de la Nouvelle-Orléans qui a récemment migré du côté de Los Angeles où ils ont enregistré leur album. Hein, cet extrait de cet album qui s'appelle Future Sons and Daughters. Attendez-vous donc en première partie de Air un cocktail de mélodies psychédéliques et toujours aussi raffiné. Je vous rappelle que l'album de AM sera disponible sur iTunes dès le 8 juin prochain, c'est-à-dire cette semaine. On va rester dans les nouveautés. On va revenir du côté du continent anglais avec le nouveau single du dernier album du groupe anglais qui s'appelle Falls. L'album s'appelle Total Life Forever. Le single s'appelle This Orient. Et pour un petit peu un cours d'anglais, tiens, Falls, F-O-A-L-S, ça signifie des poules hein, en français. C'est un groupe qui porte bien son nom puisqu'ils sont assez jeunes. Ils sont apparus en 2008 avec un premier album qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Je vous rassure, tous les fans, le nouvel album est excellent aussi. Des compositions écrites à la maison à Oxford, enregistrement du côté de la Suède à Göteborg. D'ailleurs, j'ai relevé une petite phrase hein, de Yanis Philippakis, le guitariste chanteur du groupe, hein, tout jeune, il a 23 ans, qui explique la gestation de ce second album. Il a dit « Tous les groupes rêvent de prolonger l'extase d'un premier album. On a voulu créer du chaos ordonné, ouvrir. J'ignore si ça donne un album plus pop, plus expérimental et plus sombre, oui, plus ouvert et plus écrit. Il parle de remords, d'incertitude, d'optimisme et de désir. Le processus du disque fut douloureux. Faire un disque, c'est accepter de laisser des choses de côté. Il faut détruire des chansons, trancher sur trois versions de chansons, etc. En gros, c'est de l'autodestruction. » Voilà, je pense que ce genre de parole parlera à tous les groupes qui se retrouvent un jour ou l'autre dans un studio et qui doivent parfois faire des choix sur des périodes qui sont souvent assez longues. La bonne nouvelle pour Fall, c'est qu'il y a quelques dates en France cet été. Du lourd, puisqu'ils seront le 2 juillet aux Eurockéennes de Belfort, encore une fois avec Virgin Radio. Le 21 juillet, on fait un petit détour du côté de la Suisse. C'est pas bien loin, c'est à Nyon, c'est au Paléo Festival. Le 13 août, ils seront au Festival Pantiero de Cannes. Le 14 août, à l'excellent Festival La Route du Rock de Saint-Malo. Et pour terminer, eux aussi seront présents à Rock en Seine du côté de Paris. Ça sera le 27 août. Et devinez quoi ? Et oui, ils sont maintenant dans Label Rock avec ce nouveau single donc qui s'appelle This Orient. L'album s'appelle Total Life Forever. Le groupe, lui, c'est Falls.

l'excellent groupe américain The National qu'on va retrouver du côté du Festival des Nuits de Fourvière qui, je vous rappelle, se déroulera à Lyon du 4 juin au 31 juillet prochain avec cette année encore une excellente affiche. Hein. Bref, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous incontournable chaque été, les festivals, le Festival des Nuits de Fourvière avec une programmation à la fois exigeante et populaire. Je vous rappelle que c'est du théâtre, hein, de la danse, de la musique et du cinéma, le tout sur un site exceptionnel. Et parmi les invités hein, qu'on adore dans la Belle Rock, donc les Américains de National qui viendront faire la promotion de leur nouvel album qui s'appelle I Violate, un extrait à l'instant dans la Belle Rock. Ça s'appelait Blood Buzz Ohio. La date de concert exacte, ça sera donc le 13 juillet. Il reste encore quelques places, allez-y car franchement, ils font très peu de dates en France. Et sur le même plateau, en plus, vous aurez l'occasion d'applaudir ou peut-être de découvrir en live. Et je peux vous dire que ça bouge, les New Yorkais de Vampire Weekend. Voilà, donc Vampire Weekend plus The National dans le magnifique théâtre antique de Fourvière. Tout ça au Festival Les Nuits de Fourvière le 13 juillet. Je vous rappelle que toute la programmation sur www.nuit-2-fourvière.org. Jungle law. Signature du label anglais Rockers Revolt. Déjà que j'étais extrêmement fan de ce label, voilà, qui nous pond encore des signatures comme ça. Eh ben, ça va pas déformer les choses. Au contraire, je reste un pro de chez Rockers Revolt. Hein. Nouvelle signature donc avec Baby Head. Ils viennent de Bristol. Ils enregistrent donc sous le nom de Baby Head, tout attaché. Hein. Jungle Lore, premier single tiré de leur album qui s'appelle Heavy Weather. Un album, pour la petite anecdote, enregistré dans le studio de Portishead, hein, du côté de Bristol. Et comme d'habitude avec Rockers Revolt, il y aura 3 singles qui vont précéder la sortie de l'album, qui lui est prévu pour la rentrée. D'autres petites anecdotes pour les Babyhead, on les a souvent comparés, notamment à l'enfant caché d'Ian Dury et d'Iggy Pop. J'aime bien ce genre de remarques. Alors que le légendaire Toots Hibbert les a proclamés Rasta, malgré leur barbe et leur costume. Voilà, Babyhead dans Label Rock. Je vous rappelle, le single est sorti le 1er juin. Le prochain single sortira début juillet. L'album, lui, au début septembre, hein, pour la rentrée, tout simplement. Allez, on va rester dans le groove avant de marquer une page de pub dans quelques minutes. On laisse tomber le label Rockers Revolt et on tourne du côté de Ninja Tune, autre excellent label qu'on aime beaucoup dans ce programme, avec un petit peu de jazz, s'il vous plaît. There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin. Has the floor. Après la nouveauté Babyhead, une autre nouveauté, enfin nouveauté quoique, en tout cas le jazz d'un groupe anglais qu'on aime beaucoup, The Herbalizer. Voilà, c'est sur un best-of du collectif donc londonien. Je vous rappelle qu'ils sont signés depuis 2008 sur le label berlinois Cassette, mais que bah, c'est le label Ninja Tune, hein, surtout qui les a fait découvrir, puisqu'ils ont sorti leur production jusqu'en 2005, et du coup bah, Ninja Tune qui en profite pour faire une sorte d'état des lieux et qui propose ce best-of intitulé Airball Tonic, date de sortie prévue le 14 juin, avec chaque titre une petite bombe comme ça qui vous éclate aux oreilles, avec pas mal d'influences hein, que le groupe affectionne particulièrement, la soul, le jazz, le funk et le hip-hop. Tout ça donc sur cet excellent best-of signé The Herbalizer. Je vous rappelle, ça sera disponible le 14 juin prochain. Je vous rappelle encore une fois qu'à partir de demain matin, ou même ce soir hein, tard, vous pourrez réécouter cette émission sur www.virginradiorouane.fr. Vous cliquez sur l'onglet Label Rock et vous aurez donc la possibilité de l'écouter soit en streaming ou alors carrément en téléchargement en MP3. Et vous aurez aussi la possibilité de retrouver l'intégralité de tous les morceaux qu'on a diffusés ce soir, hein, le track listing, ce qui est bien pratique hein, qui est... Et lâchez-vous hein, allez voir les sites MySpace pour aller découvrir d'autres extraits des albums ou alors des maxis que je vous programme dans cette émission qui s'appelle Label Rock. Label Rock, c'est jusqu'à 20h. On va marquer une petite page de pub, mais on revient avec pas mal de nouveautés encore américaines, anglaises, françaises. Bref, on va pas s'ennuyer jusqu'à 20h. Restez branchés sur le 94. À tout de suite. Virgin Radio, Rohan. Tous les dimanches, 18h-20h, Label Rock, avec Sébastien Gasse. Et oui, Sébastien, aux manettes de Label Rock jusqu'à 20h. Il a raison, le monsieur. Merci pour vos emails. Certains sont en train d'écouter l'émission en faisant l'apéro, tiens. D'autres font de la comptabilité. C'est moins rigolo, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, cette personne se reconnaîtra. Je sais pas si c'est la deuxième heure de programmation qui va être un petit peu plus rêche que la première. Donc ça va peut-être se mélanger un petit peu au niveau des chiffres. Mais bon, on va y aller quand même, hein. Avec un extrait du nouvel album des Québécois, tiens. On a commencé avec les Québécois d'Arcade Fire. On commence cette deuxième heure avec les Québécois de Wolf Parade, groupe basé à Montréal, formé en 2003. Ils vont sortir très prochainement leur troisième album qui s'appelle Expo 86 et ça sort chez Sub Pop. Et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge. I was asleep in a hammock. I was dreaming that I was the web. I was a dream catcher hanging in the window of a minivan parked along the water's edge. I'd say that I was all alone. I'd say that I was all alone. I'd say that I was all alone. But I will never be born as the scorpion. Another pair of boat shoes walking away from the harbor. just another pair of boat shoes, walking away from the harbor. Dimanche, 18h-20h, La Belle Rock. Battle plan. suffer all the seasons on the sides of municipal buildings and used to stop drafts in glass-fronted at home. Then one day a Spanish king with a council of bad knaves tried to come to Benny. A new way of recording, a chain round the neck. Ding off he guts, you can't say anything. Nowadays, I said if. I'm from Paris. Don't mess around, honey. Dans la vie, si malheureusement il y a des personnes ou des situations qui vous déçoivent, heureusement il y a toujours des personnes ou des groupes qui sont réglés comme du papier à musique et qui eux ne vous déçoivent jamais. C'est le cas avec l'excellent groupe The Fall, hein, 28e album studio pour le groupe de Mark E. Smith, intitulé Your Future au Clutter, disponible depuis quelques semaines chez Domino Recordings. De très bonnes surprises, hein, cet album. Pas de changement, notamment au niveau du groupe, et ça c'est vraiment une surprise, hein, puisque en général Mark E. Smith a la fâcheuse tendance de virer ses musiciens entre chaque album. Du coup on retrouve Peter Greenway à la guitare, Dave Spurr à la basse, Kieran Melling aux effets et à la batterie, Eleni Poulou, l'épouse du leader Mark E. Smith, au clavier et à la basse, et bien sûr à la voix si reconnaissable de Mark E. Smith, hein. 9 titres en tout sur ce nouvel LP, et je peux vous dire que 2010 c'est un grand cru, hein, pour de Fall. Tension, répétition, paroles bien déglinguées, gros dérapage bruitiste et surtout beaucoup de rage sur cet album. Au niveau musique, on se balade entre le rockabilly, l'électro et des purs moments de rock'n'roll, post-punk et balade expérimentale. Bref, c'est un chouette 28e album de Fall. Donc l'album s'appelle Your Future au Clutter. Ah, bruit, bruit, bruit, du bruit quand tu nous tiens, ça fait du bien. Sur le vide, Moi je sais pas lire, je sais ce que je veux mais je sais pas le dire. Dans mon futur, il n'y a pas de milieu. Je n'ai pas besoin de singer votre façon de raconter l'histoire. C'est mon histoire, je la raconte comme je veux. Je peux en rouge et je recouvre en noir, en noir. Je peux en bleu et je recouvre en noir, en noir. Je peux en jaune et je recouvre en noir, en noir. Je peux en blanc et je recouvre en noir, en noir. C'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force. Pas d'écho trip, c'est du concept, c'est dialectique, c'est stratégique. C'est les richesses et les médias, plus rien n'est laissé au hasard. Les nouveaux pics de confusion sont testés en laboratoire. Impossible d'arriver à quoi que ce soit dans tout ce speed. Va bien falloir face à ceux qui veulent nous marcher sur les bras et qui nous crachent dessus, qui applaudissent dans ce noir. C'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force. C'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de force. Décidément, vous êtes toujours plus nombreux à m'envoyer des emails quand je commence à monter dans les décibels comme ça et que j'envoie du bruit. Ce sont les bruitistes hein, qui répondent le plus dans cette émission. Ils seront comblés notamment avec ce nouvel album des Français de Programme, l'album, troisième album hein, pour Programme qui s'appelle Agent Réel de retour. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des nouvelles du duo français. Album concept hein, qui va chercher ses influences musicales dans toutes les musiques urbaines divergente, le duo français Programme hein, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs d'applaudir et de voir récemment dans la région. Vous avez peut-être été du côté du ciel de Grenoble, c'était le 26 mai dernier, ou alors du côté de Lyon à Oulins, c'était le 27 mai dernier. Vous aimez le bruit? Ah bon, vous aimez le bruit? Bah vous allez aimer ça alors sûrement. Today. Si vous êtes nombreux à aimer le bruit, il y a quelques emails qui viennent de tomber, des emails contestataires notamment. Tiens, Florence de Saint-Vincent de Boissé qui me dit mais oui, l'orage va passer. Oui, l'orage. J'ai des petits moments comme ça de quart d'heure américain où je reçois pas mal de nouveautés bruitistes et il faut que ça passe de temps en temps. C'était le cas donc du bruit toujours avec ces américains qui viennent de Floride qui s'appellent Sleigh Bells, tout jeune duo hein, qui s'est formé en 2008 et qui vient de sortir son premier album. L'album s'appelle Treats et c'était le premier single extrait de ce nouvel album. Donc le single s'appelle Tell 'em. Bah tiens Florence, tu vas sûrement aimer ça, une jeune artiste anglaise de 18 ans qui s'appelle Sarah McIntosh. Elle a fait beaucoup parler d'elle pour la première fois, c'était en 2009 avec un premier maxi qui avait attiré l'attention à l'époque des radios anglaises indépendantes, la critique qui n'hésitait pas à la comparer carrément à la nouvelle Kate Bush. Pas mal de pression donc sur les épaules de Sarah McIntosh. En tout cas, nouveau single qui est arrivé pas plus tard qu'il y a deux jours à la radio. On vous le diffuse tout de suite. L'artiste, donc c'est Sarah McIntosh, mais elle se fait appeler The Good Natures. Ça, le single qui va sortir le 5 juillet, ça s'appelle Your Body is a Machine. Vous écoutez Label Rock ensemble jusqu'à 20h. Tous les dimanches, 18h-20h. tous les dimanches, 18h-20h, tous les dimanches, 18h-20h, tous les dimanches, 18h-20h, La Belle Rock, avec Sébastien Agace. Besoin d'avoir une licence en anglais pour comprendre que le titre que je viens de jouer s'appelle Push Push Push. Par contre, vous ne savez peut-être pas que c'est la nouvelle signature du label Cassette Records en la personne d'un américain de Détroit qui se fait appeler Jimmy Edgar. L'album s'appelle XXXX et il va sortir fin juin. On rappelle que le producteur, hein, Jimmy Edgar, s'était fait connaître en 2006 avec un album qui était sorti chez Warp Records et que depuis il a donc signé chez les Allemands de Cassette. XXXX, donc titre de ce nouvel album composé de 11 morceaux, tous aussi chauds et sexy les uns que les autres, reprenant ce registre funk, R&B, électro, si cher aux jeunes producteurs de Détroit, Jimmy Edgar. Donc l'album s'appelle XXXX, disponible fin juin sur le label allemand Cassette Records. Place maintenant à un groupe pop que j'adore. Ils sont 8, ils viennent de Cardiff au Pays de Galles et ils viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Loveless Unbeliever. Ils sont emmenés par la voix de Liz, Ryan à la basse, Rich à la batterie, Steph au violon et à la voix, Harry à la guitare, aux voix et aux percus, Fran à la trompette, au chœur, Kay à la au clavier, au violon et au chœur. Et pour terminer et pour compléter ce groupe qui se fait appeler The School, l'école, Yvan à la guitare. Voilà, je vous le disais, donc ils viennent du Pays de Galles. Le groupe qui a signé sur le légendaire label pop espagnol Elephant Records, seulement après avoir joué 4 concerts. C'est vous dire la qualité de ce groupe qui s'appelle The School. Que vous dire de plus que l'album a été produit par Ian Catt, un producteur qui a travaillé entre autres avec Saint-Etienne, Stars, The Phil Mice ou alors Shampoo. C'est vous dire comment et combien tout ceci sonne pop. La démonstration tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle Valentine. Le groupe lui s'appelle The School. J'aime beaucoup la pop sucrée, légèrement à l'eau de rose, même beaucoup, de ces Gallois qui se font appeler The School. Valentine, extrait donc de leur premier album qui s'appelle Loveless Unbeliever. Ils viennent de Cardiff au Pays de Galles et franchement, si vous pouvez vous procurer cet album, n'hésitez pas, c'est tout mignon, tout plein comme ça, The School dans la Bell Rock. Je suis en train de jeter un coup d'œil par la fenêtre et je vois que ça tombe des seaux d'eau dehors, donc ce que je propose, c'est de ramener un petit peu de soleil, au moins dans la radio, hein, ça je peux. Du coup, on va partir direction le Congo, en Afrique, maintenant, avec un groupe qui mélange à la perfection les rythmes africains, la musique électro, la musique traditionnelle et la musique moderne. Ils s'appellent Konono No. 1, ils sont les chouchous de la presse spécialisée World Music. Björk les a demandés sur son album Volta, et ils viennent de sortir le 4e volet de leur série Congotronics. L'album s'appelle Assume Crash Position et il est sorti sur le label belge qui s'appelle Crammed Discs. Konono Number One tout de suite avec un titre, allez je me lance, ça s'appelle Mama Na Bana. Voilà, Mama Na Bana. Konono Number One du Congo avec Mama Na Bana, voilà, tiré de leur nouvel album qui s'appelle Assume Crash Position. J'adorerais, hein, franchement, vraiment pouvoir écouter en live. Tiens, faites de la musique à Rouen, ça serait bien. Hein, ça, ce genre de musique, ça me ferait kiffer, moi. Mais non, on aura San Severino à la place, ce qui risque d'être festif aussi. Hein. On y reviendra d'ailleurs sur la fête de la musique dans les prochaines émissions de Label Rock, la prochaine, hein, tout simplement, parce qu'après c'est, bah, ça va se préciser puisque ça sera pas le week-end prochain mais l'autre, il me semble, hein. En tout cas, donc Konono Number One, excellent album de musique du monde, hein, World Music, Assume Crash Position. J'aimerais vous parler maintenant dans cette émission d'un top modèle britannique né le 14 janvier 1979 à Bolton en Angleterre qui se fait appeler Karen Elson. Si je vous dis, si je fais les petits potins et que je vous dis que le 1er juillet 2005 au Brésil, elle a épousé un certain musicien américain qui s'appelle Jack White. Et oui, le chanteur et guitariste des White Stripes et de Raconteurs. Encore plus de potins. Premier enfant du couple, une fille prénommée Scarlett Teresa est née le 2 mai 2006 dans le Tennessee. Pour la petite histoire, sachez que Karen Elson et Jack White s'étaient rencontrés lors du tournage d'un vidéoclip. C'était pour la chanson Blue Orchid sur l'avant-dernier album des White Stripes. Pourquoi je vous parle de Karen Elson? Bah, tout simplement parce qu'elle est jolie, mais elle est aussi chanteuse, et c'est ça surtout qui nous intéresse. Elle a l'habitude de performer avec une troupe de cabaret de New York, un collectif qui s'appelle The Citizens Band, où ils offrent beaucoup de reprises, notamment du Velvet Underground et de Leonard Cohen. Je vois aussi marqué, la voix de Karen Elson a parfois été comparée à celle de Hope Sandoval du groupe Mazistar. En 2006, Karen Elson a chanté en duo avec Cat Power sur le morceau I Love You, une reprise du Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. C'était pour l'album Hommage Monsieur Gainsbourg Revisited. Et là, elle sort son premier album en 2010. L'album s'appelle The Ghost Who Walks. Madame Jack White, qui se débrouille très très bien, en plus d'être très jolie, qui fait de l'excellente musique. La preuve avec un premier extrait de cet album, ça s'appelle justement The Ghost Who Walks. Karen Elson dans Label Rock. Jusqu'à 20h. The ghost who walks, she's on the prowl for the man she loved. He cut her down. It was an ordinary night in June when he drove her to the lake so they could watch the full moon. The ghost who walks, she's on the prowl for the man. But with a knife in his hand, he plunged it in deep. She looked at him with pleading eyes. He softly spoke, "My dear, the love has died." And then he muffled her desperate cries under the moonlight. We'll be right back. après Madame Jack White, alias Karen Elson de Ghost Walks, premier album qui sort chez Beggars Banquet, hein, XL. Et ben le monsieur lui-même, nouvel album donc pour The Dead Weather, un des projets parallèles de Jack White, hein, des White Stripes. Deuxième album qui s'appelle Sea of Cowards. Je vous rappelle que Dead Weather, c'est une sorte de super groupe, hein, puisqu'il comprend Alison Mossart des Kills, Dan Fertitta des Queens of the Stone Age, Jack Lawrence des Raconteurs, et bien évidemment Jack White des White Stripes et des Raconteurs. Jack White qui chante mais qui se concentre essentiellement sur la batterie, hein, dans ce projet qui s'appelle donc The Dead Weather, tout ça disponible chez XL, distribué en France par Beggars Banquet. Je regarde l'heure, hein, 55, c'en est terminé. Ça a été un véritable plaisir encore une fois de vous retrouver sur l'antenne du 89.4 comme ça chaque dimanche de 18h à 20h, où j'essaye de vous proposer des musiques variées, différentes, hein, pas comme les autres, j'ai l'habitude de dire. Ça bouge en général, mais il y a aussi des choses très calmes. Merci pour tous vos nombreux emails. J'ai l'impression qu'avec le temps, vous avez été nombreux à m'écouter ce soir et ça fait franchement plaisir. Je vous rappelle que la semaine prochaine, évidemment, 18h-20h, hein, je serai de nouveau aux commandes du vaisseau du 89.4 Virgin Radio Rouen Pop Rock. Demain matin, les infos avec Pascal Jacquet, évidemment, à 7h30 jusqu'à 9h. Et puis Marilyn l'après-midi avec de beaux cadeaux, hein, puisqu'on vous fera gagner une initiation ou même un vol découverte grâce à la société Hélico Loire. Et oui, on va s'envoyer en l'air la semaine prochaine, ça va être bien, vous allez voir. Allez, on va terminer cette émission juste avant de retrouver la scène française d'ici 4 minutes avec un duo australien qui s'appelle Gypsy and the Cat. Tout premier single qui s'appelle Time to Wander, 300 copies seulement, hein, en vinyle, mais aussi évidemment en téléchargement numérique. C'est leur premier single, donc je vous le disais, ils viennent d'Australie, ils s'appellent Gypsy and the Cat, ça s'appelle Time to Wander, l'album, hein, qui va sortir très prochainement aussi, enregistré par David Friedman, hein, qui a travaillé notamment avec Mercury Rêve, le producteur aussi de MGMT, Flaming Lips, Clap Your Hands, Say Yeah, et bien d'autres encore, Muse, Franz Ferdinand, Las Vegas, bref, il y a du bon monde derrière ce single Gypsy and the Cat. Donc c'est avec ça qu'on se quitte. Soyez gentils, mais bon, pas trop, hein, sage comme d'habitude, et on se retrouve donc la semaine prochaine sur le 89.4. Ciao tout le monde, excellente fin de week-end, très bonne soirée, et dans 4 minutes, c'est le retour de la scène française. Ciao tout le monde, bye bye. Sweet. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.